fais pas voir et te dépasser. Je suis si puissant que je pourrais vous écraser. Mais toi tu n'as jamais plié. Intelligence ou la fierté. Ouais c'est comme ça, c'est ton instinct. Oh oui c'est ton identité. L'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Je t'ai éduqué. Si t'es pas sage, je te casserai. Plus tard dans la vie j'aurai ton avenir en main. Mais toi ne te retourne pas. Ce que tu as n'est pas pour toi. Ouais t'as bien des différences. Oh oui c'est ton identité. L'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Si je suis un peu toxique, c'est pour calmer les émeutiers. Mais si tu résistes, je serai là pour t'enfermer. Mais nous aussi on est là. Ce que tu as n'est pas pour nous. Nous on voudrait que tu changes. Dans ta putain de réalité. L'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Tout le monde dans les rangs. Je veux pas voir vous te dépasser. Je suis si puissant que je pourrais vous écraser. Mais nous aussi on est là. Ce futur là n'est pas pour nous. Nous on voudrait que tu changes.